c'est l'endroit désigné de tous les vices, de toutes les horreurs, de toutes les abominations. Vente de drogue, trafic d'armes, tueurs à gages, organes en solde, sans oublier l'indispensable espace de tous les complots, terroristes au premier chef. Tel est le Darknet dans l'imaginaire populaire. Son nom dit d'ailleurs toute son obscurité. Mais si le Darknet n'était pas que le lieu virtuel de toutes les criminalités, si le Darknet était également un lieu de résistance à l'internet commercial, un lieu de protection des données, un lieu où votre vie privée n'est pas cédée aux moins offrants avec le bébé et l'eau du bain, et si, tout compte fait, ce Darknet devait être appelé LibreNet. Adieu Darknet, bonjour LibreNet, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour arpenter ce côté obscur des internets mondiaux, nous avons donc le plaisir d'accueillir ici en studio à la Maison de la Radio Amaël Guiton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste du numérique et des réseaux. Vous avez publié notamment Hackers au cœur de la résistance numérique aux éditions que l'on aime beaucoup du Diable Vauvert. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble avec Jean-Philippe Reynard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, informaticien et professeur à Grenoble, école de management, et vous avez, pour votre part, publié Darknet, mythe et réalité chez Ellipse. Nous sommes en direct depuis le ClearNet, tout à fait officiel des réseaux dits sociaux, Twitter, où vous pouvez compléter votre écoute de cette émission en vous abonnant au fil de l'émission @laméthodefc. Voilà, ceci étant dit, alors pour commencer, j'aimerais vous soumettre à l'un et à l'autre cette citation extraite du roman Pandemia de Franck Tillier, que nous avions reçu ici pour parler de toute autre chose. Auteur donc de Polar à succès, voici comment il décrit le Darknet et ses utilisateurs dans Pandemia. Ceux qui descendent dans le Darknet y restent la plupart du temps. Ils y sentent bien, à l'abri, entourés de tous leurs fantasmes. Tout est à acheter et à vendre, sans aucune limite. Vous trouverez là-dessous notamment de la pédophilie, l'ensemble des dérives sexuelles et évidemment tout ce qui a trait à l'interdit, trafic, terrorisme, exécution, commande de meurtre. Voilà, est-ce que ça représente aujourd'hui quelque chose du Darknet ou est-ce que c'est une vision totalement fantasmée, Amaël Guiton ? Je dirais que c'est une vision partielle et partiale. Le Darknet, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Internet anonyme, anonymisé. Donc à partir de là, on y trouve absolument de tout. On y a trouvé effectivement ce fameux site qu'on surnommait le eBay de la drogue à une certaine époque. Silk Road, on en reparlera tout à l'heure. Comme on y trouve aujourd'hui les plateformes dédiée au lancement d'alerte de plusieurs médias qui ont parfaitement pignon sur rue, comme le Washington Post ou le New York Times. Je ne dis pas évidemment que ça n'existe pas, parce qu'il y a de la criminalité sur cet Internet anonyme, mais il y a évidemment aussi tout autre chose. Donc oui, pour moi, c'est très partiel. Jean-Philippe Reynard, le Darknet, le nom, il faut que ça fasse encore un peu peur, ou est-ce que c'est juste une survivance ou au contraire une qualification pour décourager les gens d'aller s'y aventurer ? Je reviens simplement sur la notion d'interdiction. Mmh. Oui, on retrouve ce qui est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit ? Il y a des choses qui sont illégales dans nos pays, comme le trafic de drogue, les tueurs à gages et ce genre de choses, tout à fait. Mais il y a des pays où l'homosexualité est interdite. Il y a des pays où des pratiques qui sont tout ce qu'il y a de plus acceptable dans nos pays ne le sont pas. Le Darknet est utilisé aussi dans le cadre de ces interdictions. C'est pour ça qu'effectivement, la présentation est correcte, mais tout à fait partielle. Ensuite, concernant le nom, à l'origine du mot, on retrouve une recherche de chercheurs de Microsoft qui analysait les échanges de fichiers sous propriété intellectuelle. Donc le mot « dark » fait référence à l'anonymat, mais l'anonymat, évidemment, sert pour réaliser des opérations illégales, mais aussi pour se protéger des abus des puissants, qu'il s'agisse de gouvernements ou qu'il s'agisse d'organisations diverses et variées. Donc le nom est extrêmement contre-productif. Et il y a tout un mouvement pour le rebaptiser Freenet plus que LibreNet, puisqu'on est dans un milieu international. C'était pour justement pour le franciser un peu et faire plaisir à nos auditeurs qui sont très attachés au respect de notre belle langue française. Juste un mot, est-ce que on pourrait faire aujourd'hui la différence, parce qu'on parle de plusieurs choses, hein. On parle de darknet, on parle de deep web, c'est pas la même chose du tout. Est-ce qu'on peut juste faire un peu de topographie virtuelle pour définir un peu ce que c'est que le clear net, le deep web, le darknet, Amel Guiton? Bah alors souvent le deep web, ouais. Juste un mot sur le deep web, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai quand même beaucoup travaillé. L'assimilation entre Darknet et Deep Web fait partie des fantasmes. Vous retrouvez sur Internet de nombreuses représentations graphiques qui présentent le ClearNet et le Darknet sous la forme d'un iceberg. Mmh. Et on assimile le Deep Web au Darknet, laissant supposer que le Darknet est 10 fois ou 100 fois plus important que le ClearNet. Alors, c'est absolument pas le cas. Il faut définir un peu tous ces termes, Jean-Philippe Reynard. Il faut définir un peu. Qu'est-ce que c'est que le ClearNet? Qu'est-ce que c'est que le Deep Web? Pourquoi est-ce que c'est différent du Darknet? Pour bien comprendre. Le ClearNet, c'est là où vous allez au quotidien. Mmh. Le Deep Web, c'est la partie du web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Si vous allez sur le site de l'INSEE et que vous demandez une série statistique de la croissance française depuis 1950, vous êtes sur le Deep Web parce que ça ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche. Et le Darknet, c'est la partie anonymisée de l'Internet. Ce qu'on entend par Deep Web, tout bêtement, ça va être vos documents dans Google Doc, par exemple, qui ne sont évidemment pas indexés par les moteurs de recherche, parce que précisément, ça relève de vos données personnelles. Donc quand on parle de web non indexé, en réalité, c'est la plus grande partie du web, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de stockage dans les nuages, hein, comme on dit, et que donc il y a énormément de données personnelles de tous ordres, qui ne sont pas accessibles par tout un chacun, à partir de Google, et fort heureusement. Est-ce qu'on peut envisager, effectivement, vous évoquiez, Jean-Philippe Reynard, cette analogie ou cette métaphore de l'iceberg, le clearnet tout en haut, le deep web, l'essentiel de l'iceberg qui est submergé, le darknet serait l'extrême pointe du deep web, c'est-à-dire vraiment un endroit très lointain, très anonyme, très inaccessible. Surtout très peu volumineux au regard du reste. Oui, c'est relativement, c'est pas d'un accès direct, mais ce n'est pas d'un accès très difficile. Ce qui compte surtout, c'est que l'on comprenne bien que le Darknet représente une fraction extrêmement minime de l'Internet dans son ensemble, contrairement à l'image que donne l'iceberg. Oui, et puis c'est d'autant plus compliqué qu'on a souvent tendance en fait à associer le darknet, hein, ce terme très générique, au réseau d'anonymisation Tor. Mmh. Mais le réseau Tor, par exemple, sert à des gens qui sont dans des pays où on est très très peu soucieux de liberté individuelle à se connecter, notamment à des sites web d'information qui eux-mêmes sont parfaitement publics. Donc il y a aussi ce distinguo-là à faire entre le réseau et puis effectivement des serveurs à l'intérieur même de ce réseau d'anonymisation qui ne sont accessibles que via ce réseau. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, venons-en à ce darknet, pour le décrire ou pour le définir, on dit le darknet, il faudrait dire les darknets, c'est-à-dire les façons de se connecter à un réseau de façon cryptée, anonymisée, et ça, pour le coup, c'est pas juste un endroit qui est interdit, auquel on n'a pas accès, nous, communs des mortels, c'est tout un ensemble de protocoles de communication qui sont anonymisés et qu'on ne peut pas tracer, c'est cela, Jean-Philippe Reynard ? Il existe des dizaines de darknets différents. Tor est effectivement le plus célèbre et le plus utilisé. Tor, c'est 2 millions d'utilisateurs par jour, hein. Mais il en existe tout un tas d'autres. Pour complémenter ce que vient de dire Amel Guiton, Tor sert aussi bien pour aller sur un web caché, c'est là où se trouve le fameux Silk Road, où se trouvent les fameuses plateformes de vente de stupéfiants, mais Tor sert beaucoup à aller sur le net ouvert. Si vous êtes en Chine et que vous voulez consulter le site de France Culture ou celui de Libération, ils ne seront pas forcément accessibles. Vous allez passer par Tor. Les derniers chiffres disent que moins de 2% de l'usage de Tor est dédié au site en Dotonion, c'est-à-dire au site du web caché. Plus de 98% sert simplement à accéder à des sites qui sont censurés dans différents pays. Amel Guiton, ça veut dire que aujourd'hui, enfin, on va décrire un peu tout à l'heure, hein, justement les utilisations, les différents types d'utilisation, etc. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, est-ce qu'on peut dire que par exemple le tout protocole peer-to-peer chiffré, encrypté, c'est d'une certaine façon passé par ce qu'on appelle le darknet? C'est toujours le problème avec ce mot qui est effectivement extrêmement flou. Est-ce qu'il faut dire le darknet avec tout ce que ça charrie comme imaginaire, ou les darknets, qui serait effectivement techniquement plus juste? C'est pour ça que Bon, on peut décider qu'on va retourner le stigmate. Hein. Moi, je suis assez partisane de ça, en fait, en disant finalement ce qu'on appelle le darknet, ça n'est jamais que l'internet dans lequel on n'est pas tracé. On pourrait dire à grand terme que c'est tous les protocoles de communication non Google, en exagérant un peu. Bah non Google, non, c'est pas tellement ça. Enfin, c'est effectivement les protocoles chiffrés, c'est les protocoles anonymisés. Et il y en a encore que quand on prend par exemple accéder par exemple à Facebook ou à Google, ça se fait selon un protocole chiffré qui fait qu'il n'y a que Facebook ou Google qui savent ce que vous y faites précisément. Mais non, effectivement, oui, ça, on pourrait dire c'est l'internet anonymisé et on peut effectivement se poser la question de est-ce qu'il est bien légitime que nous soyons tracés en permanence à chaque fois que nous nous déplaçons sur internet. Mais alors je vais vous poser cette question de sens commun entre guillemets. Finalement, dans mon rapport au réseau quotidien à moi, Nicolas Martin, quel besoin aurais-je d'avoir accès, d'utiliser ces protocoles de chiffrement ou ces réseaux ou ces navigateurs chiffrés pour avoir finalement l'activité classique qui est la mienne? Est-ce que le darknet, c'est pas aussi un peu, dans une utilisation courante, paranonet, Jean-Philippe Reynard? Récemment, il y a une sociologue américaine qui a décidé de cacher sa grossesse au grand service marketing, parce qu'elle ne voulait pas que Google et autres soient au courant de sa situation. Le seul moyen qu'elle a trouvé, le seul moyen à sa disposition pour arriver à cacher sa grossesse, a été de passer par Tor. L'un des intérêts du darknet. Pour moi, le darknet s'adresse beaucoup plus aux problématiques de dissidence et autres au commun des mortels. Hein. Mais pour le commun des mortels, l'intérêt numéro un du darknet, c'est d'arriver à se cacher des grandes centrales marketing. Il faut bien comprendre jusqu'où va la connaissance des grandes centrales marketing. Il y a une affaire qui a fait scandale il y a 2 ans aux États-Unis, quand un père de famille est allé prendre à partie le responsable d'un supermarché parce que sa fille de 16 ans recevait des publicités pour des produits de grossesse. Il a appris une semaine plus tard que sa jeune fille était effectivement enceinte. Est-il normal que les grands services marketing soient au courant d'une information aussi intime? Ça pose question. Amel Guiton. J'avais envie de dire, vous, Nicolas Martin, effectivement, vous avez peut-être l'impression que vous n'en avez pas besoin. Ceci dit, vos confrères, par exemple, qui mènent des enquêtes, peuvent en avoir besoin. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est le plus frappant. Le New York Times menait une enquête sur une entreprise. L'entreprise a vu que sur son site, il y avait eu 12 ou 13 connexions dans la même journée qui provenaient d'adresses IP qui étaient celles du New York Times. Ils ont compris que le quotidien enquêtait sur eux. Et puis, alors, là, aujourd'hui, le Congrès américain a décidé d'annuler de nouvelles règles qui avaient été adoptées par la Commission fédérale des communications qui interdisaient aux fournisseurs d'accès à Internet américains, donc c'est AT&T, c'est Verizon, c'est Comcast, etc., de collecter et de revendre à des fins publicitaires les données personnelles de leurs clients sans leur demander leur autorisation. Ils étaient obligés d'avoir l'accord de leurs clients. C'était des règles qui n'étaient pas encore entrées en application, que le Congrès a purement et simplement annulé, ce qui veut dire que donc, les fournisseurs d'accès à Internet américains peuvent tout à fait collecter votre historique de navigation et le revendre à des fins publicitaires. Et votre historique de navigation, il permet d'avoir des éléments sur votre état de santé, par exemple, sur votre orientation sexuelle ou sur vos préférences religieuses. Voilà. Et typiquement, à ce genre de problème, Tor est une réponse. Est-ce que ça veut dire, alors pour me placer toujours, puisqu'on parle de moi, Nicolas Martin, navigateur sur Internet, j'essaye de me soucier un peu. C'est-à-dire que, par exemple, si je navigue en navigation privée, toujours sur mon navigateur, si je fais en sorte que les cookies ne soient pas enregistrés, si je fais en sorte que mes paramètres de confidentialité soient au maximum sur les réseaux sociaux, ça n'est pas suffisant aujourd'hui? C'est si vous utilisez la navigation privée, quelqu'un qui utilisera votre ordinateur ne saura pas ce que vous avez fait dans votre navigateur. En revanche, les sites auxquels vous êtes connecté sauront que vous êtes venu et votre fournisseur d'accès le saura également. Donc ça n'est pas suffisant. La protection sur les réseaux sociaux, elle vaut par rapport à ce que vous décidez d'afficher publiquement ou pas, mais ça ne change rien au fait que Facebook, par exemple, a vos données personnelles. Donc effectivement, ça dépend de ce que vous voulez cacher, de ce que vous voulez garder pour vous. Et par rapport à qui ? La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez la méthode scientifique et nous évoquons aujourd'hui le passé, le présent et le futur du Darknet. Autant faudrait-il dire donc LibreNet, c'est-à-dire des connexions chiffrées, des connexions anonymisées et donc certainement d'un changement de paradigme de leur rapport que nous pouvons avoir au réseau, puisque nous sommes tout de même effectivement à l'ère où nous avons tous décidé, où nous sommes fait convaincre en tout cas volontairement de céder gracieusement nos données personnelles de façon à ce qu'elles soient monétisées par des géants d'Internet. Nous en parlons avec Amaël Guiton qui est journaliste à Libération et Jean-Philippe Reynard qui est en duplex depuis les locaux de France Bleu Isère à Grenoble et qui est économiste et informaticien. Faisons peut-être un petit cours très simple parce qu'on parle du Darknet et c'est vrai qu'on y reviendra, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce Darknet, des fantasmes pas seulement littéraires. Aujourd'hui, si je veux aller dans le Darknet, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Quel est le mode d'emploi entre guillemets? C'est facile pour moi qui ne suis pas forcément très très doué en informatique, Jean-Philippe Reynard? C'est extrêmement simple. Alors, certains Darknets sont plus difficiles que d'autres, mais je vais prendre le cas de Tor. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe de l'anonymisation sur un Darknet repose tout simplement sur le fait que l'on cache les utilisateurs parmi les utilisateurs. C'est-à-dire qu'un Darknet ne sera fiable qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc les concepteurs de Tor, dès l'origine, ils ont posé dans leur cahier des charges comme contrainte fondamentale la simplicité d'utilisation. Si vous voulez aller sur Tor, vous vous branchez sur votre moteur de recherche favori, vous faites une recherche Tor, vous allez charger ce qu'on appelle le Tor Browser, qui est une application, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait c'est une version particulière de Firefox, vous allez l'installer, vous allez le lancer et à partir de là, vous naviguerez sur Tor, vous serez sur le Darknet. Ensuite, trouver les plateformes de vente de stupéfiants et autres est un petit peu plus délicat. Et puis on ne va pas le faire à l'antenne. Mais voilà. Techniquement, c'est élémentaire. Techniquement, c'est certes élémentaire. Tor, donc entendons bien, c'est vraiment une... On va dire un programme qui nous permet d'anonymiser un navigateur particulier, un navigateur c'est un peu... Réseau. C'est un réseau, en fait. Le principe est assez simple, c'est que c'est un réseau qui est à l'intérieur de l'Internet, tout bêtement, un réseau de serveurs qu'on appelle des nœuds. Et à chaque fois que vous vous connectez via Tor à n'importe quoi, y compris d'ailleurs à Facebook, parce que c'est parfaitement possible, ou à un site anonymisé, votre connexion va passer par trois nœuds différents. Le premier, c'est qui vous êtes, mais pas où vous allez. Et à la sortie, le dernier, c'est où va la connexion, mais pas d'où elle provient. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle d'anonymisation. Et Tor, c'est ça, c'est un réseau. Donc il y a effectivement un navigateur qui permet d'utiliser ce réseau et qui s'utilise comme à peu près n'importe quel navigateur. Donc c'est effectivement très simple. Juste pour l'anecdote quand même, il ne faut jamais oublier que Tor, au départ, est un projet de la marine américaine. Ouais. C'est un projet gouvernemental. Voilà. Et l'idée, c'était effectivement cette idée que la marine pouvait avoir besoin d'anonymiser ses connexions et que donc on crée un réseau qu'on va ouvrir au maximum, c'est-à-dire on va permettre à d'autres gens d'avoir eux-mêmes leur nœud Tor pour qu'il y en ait le maximum et pour qu'au milieu de ça, y compris les forces de l'ordre, quand elles en ont besoin, soient cachées. Donc, et d'ailleurs, c'est un réseau qui est toujours... Qui est toujours financé à plus de 80% par le gouvernement américain. Majoritairement par des fonds fédéraux au titre de la lutte contre la censure et la surveillance, notamment dans les pays type Chine, Iran, etc. Ce qui montre à quel point il y a de la part de l'administration américaine souvent un double discours quand même, c'est-à-dire qu'on finance Tor parce que c'est aussi évidemment le moyen pour les dissidents de pouvoir naviguer, de pouvoir communiquer, etc. Et puis à côté de ça, on va le dénoncer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais Tor est précisément ce qu'on en fait. Le fait que Tor soit précisément été pensé inventé, soit aujourd'hui financé par le gouvernement fédéral américain, c'est censé me rassurer, moi qui veux aller sur le Darknet. Enfin, je veux dire, est-ce que ça peut garantir totalement? Il faut comprendre que ça s'est libéré finalement de son créateur, que c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne tout seul, qui tient tout seul, Jean-Philippe Reynard. Non, Tor a été repris une fois que la Navy américaine a libéré Tor, donc l'a mis dans le domaine public. Ça a été repris par Electronic Frontier Foundation, qui est une des plus grandes organisations des droits des individus sur Internet. Alors, est-ce que ça doit vous rassurer, le fait que ce soit financé par le contribuable américain? Ça me semble plus rassurant de savoir que c'est une organisation publique connue ayant pignon sur rue, alors que dans l'imaginaire général, Tor, c'est une sorte de choses financées potentiellement en bitcoin par la mafia russe. Donc dans ce sens-là, oui, c'est effectivement rassurant, bien sûr. Il y a surtout un critère, c'est que le code le code de Tor, tout ce qui est développé est parfaitement public. C'est open source, comme on dit. Donc n'importe qui peut aller le vérifier. Il est extrêmement audité, vous dites, oui. À la différence d'autres, Tor est très certainement le réseau Darknet qui a été le plus, qui est le plus audité par les chercheurs. Précisément parce qu'il est libre, comme le disait Amal Guitant. Parce qu'il y a, plus, il y a d'autres réseaux Darknet. On parle de Tor, mais il y a Freenet, I2P, il y en a un certain nombre. Freenet, il y a I2P, il y en a un grand nombre. Maintenant, Tor est le réseau le plus massif. Freenet est un réseau qui est à l'origine à destination très politique. C'est-à-dire que Ian Clark, quand il l'a conçu, avait vraiment à l'esprit la liberté d'information et la lutte contre la dissidence. Et aujourd'hui encore, Freenet est un réseau où le discours politique est extrêmement présent. I2P est un peu plus marginal, mais fait partie des réseaux qui poussent maintenant beaucoup plus, mais qui poussent fortement. Mais il y en a tout un tas d'autres qui sont en cours de développement et qui fonctionnent. Puisque ce sont des réseaux avec différents nœuds, on lit ça et là que finalement, bon, le Darknet c'est bien, mais le sacrifice à faire si on veut donc anonymiser ces données et les chiffrer, c'est ralentir le trafic, parce que forcément, bah, puisqu'il y a plusieurs nœuds, petit à petit, le trafic est ralenti, donc c'est quand même, ça marche quand même beaucoup moins bien en quelque sorte. Il y en a de plus en plus des nœuds tout de même, parce qu'y compris il y a pas mal d'associations qui en financent ou qui en mettent en ligne, donc c'est sûr que la charge elle-même a tendance à augmenter aussi, hein, parce qu'il y a plus d'utilisateurs maintenant que ça n'était le cas il y a 10 ans. Mais de manière générale, oui, il peut y avoir une petite gêne, une petite à l'usage. Ceci étant, quand on a besoin, par exemple, pour enquêter, d'anonymiser son trafic, je pense que c'est un désagrément mineur par rapport au fait de pouvoir potentiellement être repéré. On a aujourd'hui... C'est très variable selon les réseaux. Hein. Si vous allez sur Tor, vous êtes ralenti, effectivement, mais relativement peu. Si vous allez sur Freenet, charger une page web sur Freenet peut vous prendre 2 minutes. Donc c'est beaucoup plus lent, là. On a une idée aujourd'hui, au moins un ordre de grandeur du trafic que représente ces Darknet ou ces réseaux Darknet, Jean-Philippe Reynard? Tous les réseaux Darknet, tous les grands réseaux Darknet publient des statistiques très précises. Je prends le cas de Tor, parce qu'à lui tout seul, c'est probablement plus de 90% de l'ensemble. Une fois encore, Tor, c'est plus de 2 millions d'utilisateurs par jour. C'est une bande passante théorique de 200 gigabits seconde. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui représente une masse non négligeable, tout à fait. Le réseau Tor, en revanche, c'est un réseau où il y a actuellement 6 à 7 000 relais, ce qui potentiellement est relativement faible. C'est en croissance. Tout un chacun peut gérer relativement facilement un relais Tor, enfin, sauf le relais de sortie qui, lui, est plutôt géré par des associations. Mais mesurez qu'une structure comme Google gère des centaines de milliers de serveurs. On parle quand même, on n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire que si je veux contribuer justement à l'épanouissement de ces réseaux Darknet, je peux à un moment donné contacter Tor pour dire je veux héberger un serveur relais. Vous n'avez personne à contacter. Vous chargez le logiciel. Vous avez besoin d'un minimum de base d'administration Linux, mais c'est vraiment un minimum de base. Vous pouvez parfaitement installer un relais Tor, ça va vous prendre 20 minutes, c'est très facile. J'aimerais qu'on parle... un mot tout de même encore sur les statistiques pour qu'on prenne donc 2 millions de connexions jour sur Tor. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en France, par exemple, Amel Guitton? Là, je vous avoue très honnêtement que je n'ai pas regardé les derniers chiffres, donc je voudrais vraiment pas dire une bêtise, mais ceci dit, effectivement, hein, comme le disait Jean-Philippe Reynard, les statistiques sont parfaitement publiques. Jean-Philippe Reynard, vous avez une idée pour la France? J'ai vu passer les chiffres, je suis en train de les chercher là. France, de mémoire, doit être le 4e utilisateur au monde, après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Enfin, on est dans le top 5, mais le volume de connexions quotidien, je ne l'ai pas à l'esprit. Alors, puisqu'on a parlé un peu maintenant de la structure de ces réseaux, de leur fonctionnement, il est temps donc de briser ce qu'on pourrait appeler cette image de Pernod, qui serait l'équivalent contemporain de l'image d'Épinal, du Darknet, comme étant le lieu de toutes les perversions et de tous les interdits. C'est donc, pour briser cette image, d'aller à la rencontre de quelqu'un qui utilise quotidiennement le Darknet dans son cadre de travail. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez rencontré quelqu'un qu'on peut aller, on va dire, difficilement qualifier de journaliste extrêmement séditieux, puisque c'est un journaliste de Télérama. Oui, Olivier Tesquet, un journaliste de Télérama qui aurait bien du mal à se défaire du Darknet pour son usage professionnel, bien évidemment, comme vous l'avez dit. Mais rien de dark là-dedans, puisqu'il s'agit d'applications mobiles qui permettent d'échanger des informations qui ne laissent aucune trace et résistent au déchiffrement. On comprend alors bien pourquoi elles sont utilisées dans la communauté des journalistes. Olivier Tesquet, lui, utilise Signal pour trouver et surtout protéger ses sources. Et au-delà du travail, c'est les valeurs de liberté, à la fois populaire et individuelle, qu'il défend à travers le Darknet. On a le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, on devrait beaucoup plus voir ça, le Darknet, comme une souveraineté individuelle que l'internaute exercerait sur ses correspondances à un instant T. C'est-à-dire que je vais décider d'envoyer un message chiffré, c'est-à-dire qu'il passera pas dans du trafic en clair sur Internet. Les paquets de données que j'achemine ma machine sont pas accessibles directement par un tiers, que ce soit des pouvoirs publics ou qui que ce soit. Et à ce moment-là, finalement, dès que je vais décider que moi, individu A, je communique avec un individu B à travers le biais d'un protocole qui n'est pas un protocole classique de l'Internet commercial tel qu'on le pratique tous les jours et tel que le pratique la majorité des gens, à ce moment-là, finalement, est-ce qu'on serait pas déjà sur le Darknet ? Donc c'est assez important, je pense, d'évacuer autant que possible cette espèce de mythologie. Et donc on se dit aujourd'hui que cette clandestinisation, on va dire, d'une partie des internautes, car aujourd'hui vous avez plus de la moitié du trafic Internet, qui est du trafic chiffré. C'est-à-dire que c'est pas du trafic en clair, directement accessible pour les autorités. Mais vous, par exemple, vous êtes journaliste, est-ce que vous utilisez certains outils sur le Darknet pour obtenir des informations ? Moi, vraiment, Signal que j'utilise. Sur Signal, vous discutez avec d'autres journalistes, des sources ? Discute avec d'autres journalistes, ça permet. Vous êtes sûr que là, vos échanges sont sécurisés ? La certitude à 100% n'existe pas non plus, incidemment. Mais a posteriori d'expérience. D'expérience, en tout cas, ça met un certain nombre d'interlocuteurs en confiance qui ne veulent pas parler par d'autres canaux et qui acceptent de le faire par ce biais-là. Donc c'est déjà plutôt une bonne chose. L'avenir dira si effectivement c'est aussi sûr qu'on le dit. Peut-être que si demain on a une source d'un journaliste qui se fait identifier parce qu'elle a échangé des informations sur une application de ce genre, peut-être qu'on reconsidérera nos positions et qu'on dira finalement il y a peut-être d'autres méthodes à mettre en place, mais pour l'instant, de manière assez empirique, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Comment ça se passe concrètement quand vous avez identifié une personne ? Sur Signal, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il suffit, c'est comme échanger ses numéros de téléphone, c'est-à-dire que vous échangez vos numéros de téléphone et ensuite ça vous apparaît directement dans l'application et là vous pouvez échanger, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous êtes physiquement au même endroit, d'authentifier vos téléphones respectifs, c'est-à-dire vous avez une suite de caractères alphanumériques qui permet de dire que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, donc chacun atteste de l'identité de l'autre comme une empreinte. Si vous n'êtes pas au même endroit, ce qui arrive assez souvent, vous pouvez quand même donner des gages de votre identité. Puis une fois que vous avez identifié la personne, vous pouvez décider de communiquer. Et puis après, ça ressemble à un échange par texto assez traditionnel. Alors moi, je me sers que de la version mobile. Il y a des gens qui servent de la version sur l'ordinateur. Moi, comme j'ai toujours mon téléphone à portée de main, c'est un peu plus pratique. Je vois de plus en plus dans des bios de journalistes ou même je crois que c'est au New York Times où ils ont ouvert une ligne Signal en fait destinée uniquement à des sources potentielles. Après, ce qui est sûr, c'est que les journalistes dans ces rédactions-là se servent de ces outils, ouais, clairement. Et depuis quelques années, avec la multiplication des fuites, avec la multiplication d'événements type WikiLeaks, Snowden, etc., il y a eu une montée en puissance au sein des rédactions pour mettre en place des outils et des canaux pour transmettre des informations. Et Signal, qui est de plus en plus utilisé dans les administrations, notamment aux États-Unis depuis que Trump est arrivé au pouvoir. C'est assez drôle de voir que les pouvoirs publics eux-mêmes font du Darknet plus ou moins consciemment. Et en fait, Signal, si demain les autorités demandent des informations sur ce que j'ai échangé sur mon compte et leur envoient une réquisition, y compris une réquisition judiciaire, en fait, Signal n'a aucune information si ce n'est la date à laquelle j'ai téléchargé l'application. Il n'y a aucune traçabilité de vos échanges avec une autre personne. Voilà, il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire que c'est chiffré et si vous voulez rentrer dedans, il faut casser le chiffrement. Et casser du chiffrement, n'étant pas une menace immédiate pour la sécurité du territoire, et quand bien même, ça demande du temps, des moyens, et donc en fait ça rehausse sensiblement le ticket d'entrée. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de correspondance, c'est-à-dire où on décide de vraiment de disparaître un peu, de passer sous la surface. Donc ça permet aussi de banaliser une forme de darknet, entre guillemets. C'est du darknet à portée de doigt finalement. Vous pouvez échanger avec d'autres journalistes, avec des sources. C'est assez banalisé et comme je le disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un peu, on est tous des monsieur Jourdain qui parfois faisons du darknet sans s'en rendre compte. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir des outils qui sont en termes d'ergonomie et d'utilisation finalement aussi simples que tous les autres outils qu'on va utiliser au quotidien. Il faut qu'un signal ou un Telegram ou un WhatsApp ou quelle que soit l'application que vous utilisez soit aussi pratique dans l'usage que votre Facebook, votre Instagram ou toute autre application. Mais je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est que en tant qu'individu, tout en continuant à se servir de ces plateformes-là, on décide de aussi, par des petites victoires quotidiennes comme ça, on peut organiser une forme de résistance un peu passive même à ces risques-là, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà le reportage de Céline Lausanne. Il y a plein de choses intéressantes dans ce reportage. La notion de résistance passive, le côté Monsieur Jourdain du Darknet, se dire que quand vous utilisez WhatsApp, par exemple, vous faites déjà du Darknet. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Amaël Guiton ? Effectivement, je trouve que c'est très important de faire passer l'idée que on peut avoir des usages extrêmement variés d'Internet. Moi, je sais que, par exemple, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, j'utilise des tas de services de Google, ce qui ne m'empêche pas par ailleurs d'utiliser effectivement énormément d'outils de cryptographie, des outils aussi d'anonymisation, et d'avoir comme ça des couches très différentes finalement dans mes usages selon ce que j'en fais. Quand on travaille effectivement sur des dossiers sensibles et qu'il faut absolument anonymiser, y compris les contacts qu'on a avec une source. Pour les protéger, absolument, plus que nous. On va prendre des précautions particulière. C'est vrai que c'est d'autant plus compliqué que c'est assez difficile en fait d'expliquer que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Quand vous utilisez WhatsApp sait que vous utilisez WhatsApp, par exemple. Mmh. Donc on ne cache jamais tout à tout le monde, ou en tout cas c'est très difficile, mais on peut garder pour soi des tas de petites choses différentes. À une époque, il y avait même une application qui permettait de chiffrer ses conversations sur Facebook avec d'autres contacts Facebook. Il se trouve que Facebook a bloqué le protocole qui permettait ça, mais ça faisait que Facebook savait que vous discutiez avec tel ami, mais ne savait pas ce que vous vous racontiez. Voilà. Donc il y a des tas de zones comme ça où on peut effectivement rétablir de l'obscurité ou de l'opacité, ou simplement ne plus être transparent, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Mmh. C'est du droit à ne pas être transparent en permanence. Jean-Philippe Reynard. On a parlé de signal. Hein, l'équivalent de signal bien connu, c'est Telegram. C'est pas tout à fait l'équivalent, mais enfin, c'est un peu le même principe. Donc, Telegram a fait la une des journaux, notamment à la suite des attentats de Bruxelles, quand Bernard Cazeneuve a déclaré que les terroristes utilisent Telegram, ce qui est tout à fait vrai. Je rappelle que la semaine suivante, Le Canard nous a sorti un très beau papier montrant que plus de la moitié des membres du gouvernement utilisent Telegram. Mmh. Telegram, c'est un outil de chiffrage des échanges. C'est pas un outil qui est dédié aux activités interlopes, c'est un outil qui sert tout simplement à se protéger. Ensuite, au-delà de tout ça, concernant le journalisme, il est important que chacun comprenne que les premiers promoteurs du Darknet, ce sont les grandes associations de journalistes. Reporters sans frontières propose ce qu'ils appellent un kit de survie numérique qui sert à protéger, donc qui n'est rien d'autre qu'un kit d'accès au Darknet, qui sert à protéger ses sources, mais qui peut servir aussi à protéger le journaliste en tant que tel. D'abord dans les pays où l'activité journalistique est potentiellement condamné, mais faut pas penser que dans nos pays occidentaux, il n'y a pas d'intérêt pour les journalistes. Je vous rappelle l'histoire des fadettes du Monde. Je vous rappelle qu'on vit dans un système où de plus en plus les services de sécurité cherchent à briser l'anonymat des sources. Certains journalistes font l'objet de pressions extrêmement fortes par rapport à ça. Le TCIJ, donc le centre anglais d'organisation du journalisme d'investigation, publie également des outils d'accès au Darknet. Il est important que l'on comprenne que ce sont bien les associations de journalistes qui sont les premiers promoteurs du Darknet. Ça montre très bien ce qu'il en est de la réalité de l'outil. les associations de journalistes et les lanceurs d'alerte, hein, parce qu'on l'entendait dans le reportage et c'est important de le rappeler, sans Darknet, il n'y a pas de Wikileaks, il n'y a pas d'Edward Snowden, il n'y a pas ces fuites des documents, ces fuites massives de documents confidentiels, il n'y a pas les Panama Papers, certainement. Enfin, le Darknet est aussi aujourd'hui devenu constitutif de cette nouvelle démocratie des lanceurs d'alerte qui permettent d'alerter l'opinion publique sur ces scandales d'État. Et c'est bien pour ça que je citais en tout début d'émission le fait que parmi ces sites cachés à l'intérieur du réseau Tor, on trouve effectivement les sites de lancement d'alerte d'un certain nombre de médias de plus en plus nombreux. Là-dessus, c'était des sujets auxquels je m'intéressais avant Snowden, mais il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir des révélations Snowden, et donc à partir d'une prise de conscience très large des capacités de surveillance des gouvernements, à commencer effectivement par le gouvernement américain et la NSA, il y a eu une prise de conscience très forte des journalistes et des militants, effectivement, hein, dans les pays occidentaux. Alors qu'avant ça, effectivement, c'était plutôt dans les pays, effectivement, extrêmement autoritaires, où il y avait déjà eu cette prise de conscience. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué d'utiliser le réseau Tor en France que ça ne l'est en Iran, par exemple, où on a plutôt intérêt à passer, y compris par des serveurs intermédiaires, parce que les nœuds Tor sont publics. Et donc, on peut savoir que vous utilisez Tor, y compris vous, votre fournisseur d'accès peut savoir que vous utilisez Tor, il ne saura pas ce que vous faites dessus. Il y a des pays où il n'est pas bon non plus de montrer qu'on utilise Tor et où il faut encore prendre des précautions supplémentaires. Et puis, l'affaire Snowden, hein, qui a précisément lancé, enfin, le succès que Tor connaît actuellement, puisque au lendemain de l'affaire Snowden et des révélations Snowden, je crois que plus de 5 millions d'utilisateurs en plus qui viennent grossir le réseau. Aujourd'hui, il faut dire que Tor, les Darknet, les réseaux Darknet sont venus des outils indispensables à la liberté démocratique, à la liberté d'opinion, à la liberté d'informer, Jean-Philippe Reynard. Ce sont des outils qui sont devenus indispensables à la lutte contre les abus des puissants. Wikileaks a donné le point de départ. Wikileaks est passablement critiqué actuellement et probablement au moins pour partie à raison, mais il est important de comprendre qu'il y a de très nombreuses émules de Wikileaks. Maintenant, il y a des outils comme SecureDrop, enfin des outils open access, enfin open source, qui sont utilisés, comme le disait Mal Guiton, par le New York Times, par les grands journaux, par Mediapart en France. On peut maintenant, de manière anonyme, dénoncer des actions qui sont des actions illégales. Et ce que l'on a vu récemment avec les LuxLeaks montre qu'il est important que cet anonymat puisse être respecté, puisque même dans nos pays, je parle du Luxembourg, je parle donc de l'Europe, même dans nos pays démocratiques, si vous dénoncez des activités illégales, vous êtes susceptible d'être poursuivi. Une remarque sur l'utilisation de Tor dans les pays dictatoriaux. On évoquait l'Iran, que je connais mal, mais je peux parler un petit peu de la Chine. En théorie, Tor est bloqué en Chine. Or, le réseau a mis en place des outils techniques qui font que, et j'ai fait l'expérience récemment à l'occasion d'un voyage en Chine, qui font que l'on peut effectivement accéder à Tor depuis la Chine. Et que l'on peut même, c'est un peu délicat, mais qu'on peut même y accéder sans être repéré. Il y a eu une évolution relativement forte d'un nouveau protocole, je n'entrerai pas dans les détails, qui fait qu'il est possible maintenant, sous certaines contraintes, d'accéder à Tor sans être repéré. Ce qui est tout à fait nouveau. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Try again with you, that's not the move. No, you're just caught up in the web of me. Don't realize the reason why we never speak. It's you, not me. You're just caught up in the web of me. Don't realize the reason why we never speak. It's you, not me. And you should know I never tried to hurt you, girl. I just got tangled up in the idea. évoquer la méthode scientifique et nous parlons des réseaux Darknet tout au long de cette heure avec Amaël Guiton de Libération et Jean-Philippe Reynard qui est en duplex avec nous depuis France Bleu Isère à Grenoble et qui est économiste et informaticien et professeur à Grenoble à l'école de management. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même de ce qui a construit cette réputation obscure du Darknet, parce que c'est aussi une réalité à laquelle on peut difficilement se soustraire, et notamment la question en dehors de la protection des données et des sources de la criminalité liée à l'anonymisation, notamment via le cas Silk Road qu'on avait voté, Silk Road qu'on a appelé le supermarché de la drogue. Est-ce que vous pouvez nous en redire un mot, Jean-Philippe Reynard, de cette affaire Silk Road pour qu'on retrace un peu de quoi il s'agit précisément? Pourquoi est-ce que le Darknet a une image noire? L'un des premiers papiers en France de la destination du grand public a été publié dans Marianne et évoquait notamment l'art d'éviscérer son voisin sans en gâter la viande. C'est ce qu'on appelle du sensationnalisme. On trouve ça effectivement sur le Darknet, mais voilà l'image qu'on a donnée. Silk Road, ce n'était rien d'autre que l'Amazon des stupéfiants. C'est-à-dire que ça fonctionnait exactement comme la marketplace d'Amazon. Chacun des vendeurs pouvait s'inscrire, mettre ses produits à disposition et les vendre. Et le système fonctionnait comme la marketplace, c'est-à-dire que les utilisateurs notaient les différents fournisseurs et c'est comme ça que la confiance se construisait. Christin a fait une étude il y a quelques années à ce sujet. Plus de 95% des notes sur Silk Road étaient 5 étoiles, ce qui montre qu'il y avait quand même une certaine satisfaction. Les volumes en jeu était, alors il ne s'agit pas de gros trafic, il s'agit en général d'achats individuels, mais qui concernent des millions de personnes. Donc les montants en jeu sur l'ensemble des 2 ou 3 ans de fonctionnement initiaux de Silk Road ont dépassé $1 milliard. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement fort. Mmh. Et ça fonctionne toujours relativement bien, puisque Bernard Debré a fait une expérience il y a quelque temps, expliquant qu'il s'est fait livrer de la cocaïne à l'Assemblée nationale et qu'il l'a reçu. Il n'a pas dit si elle était bonne ou pas, je ne sais pas. Non, mais ce qui est intéressant, pardon, vous m'avez surpris un peu. Ce qui est intéressant, la question essentielle que pose finalement ces questions et cette réputation liée à Silk Road et aux divers trafics qui peuvent avoir lieu sur le Darknet, c'est comment découpler la demande légitime de protection des données, d'anonymisation et de chiffrement, et de l'autre côté, la criminalité qui est attirée par l'anonymat. On ne peut pas découpler. Je reprends l'histoire de Bernard Debré. Bernard Debré a expliqué qu'il s'est fait livrer sa cocaïne à l'Assemblée nationale et qu'elle lui a été envoyée, dixit, sur des lettres postées à la poste française avec des timbres français et qu'il a payé tout ça en bitcoin. Il appelait à l'interdiction des bitcoins. Qu'est-ce qu'il faut interdire? Les bitcoins ou bien la poste? On ne peut pas découpler. Un outil, c'est un outil. D'autant que la poste vend des bitcoins aujourd'hui. Ce qui est compliqué, la tâche. Il y a des bureaux de poste qui effectivement permettent ça. C'est un outil peut être utilisé aussi bien de manière extrêmement positive qu'extrêmement négative. C'est l'usage qui compte, ce n'est pas l'outil qui doit être condamné, c'est son usage. Il ne faut jamais oublier les débats qu'il a pu y avoir au début où l'Internet est devenu vraiment grand public en France. On entendait aussi des discours hyper alarmistes où tout à coup, ce qui se passait en ligne, c'était le repère de tous les vices, enfin, y compris, moi je me souviens de certains discours entendus à l'Assemblée nationale qui étaient extraordinairement alarmistes. On va dire que c'est un peu du même ordre. Bon, ce qui est clair, c'est que l'usage de ces outils de cryptographie et d'anonymisation, pour le moment, effectivement, c'est plus des gens qui en ont besoin que le commun des mortels. Les gens qui en ont besoin, ça va être effectivement alors les journalistes, les militants, les dissidents, etc. Et les criminels, bien sûr, qui ont aussi besoin pour d'autres raisons de se cacher. Donc à partir du moment où l'outil existe, il peut y avoir des usages extrêmement positifs, tout comme des usages extrêmement néfastes. Ça, c'est évident que ça complique la tâche de la police et de la justice. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a d'autres moyens d'enquêter. Et d'ailleurs, le fondateur de Silk Road a fini quand même par se faire pincer. Voilà. C'est signe qu'on peut quand même, malgré tout, pénétrer, rentrer dans ces réseaux et les faire tomber de l'intérieur malgré l'anonymisation. C'est typiquement de l'ordre du compromis social. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner de notre capacité à préserver notre vie privée. Le débat qui se pose aujourd'hui, c'est exactement celui-là. Et on est quand même dans un moment où il y a une demande de la part des gouvernements de transparence maximale de ce qu'on fait sur les réseaux. Et tous ces outils de chiffrement et d'anonymisation sont à l'heure actuelle le seul contre-pouvoir effectif, technique. Parce que le problème, c'est qu'en en matière politique, malheureusement, c'est pas vers ça qu'on tend. Mais en matière technique, c'est tout ce qu'on a à disposition. Mais on voit bien qu'on arrive là au nœud gordien du problème. C'est-à-dire qu'à la fois, personne ne peut souhaiter que cette anonymisation serve à des entreprises criminelles et qui plus est, dans le contexte actuel, à des entreprises terroristes. Et on entend bien le discours public qui est l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui disait qu'il voulait la peau du Darknet, ce qui était d'ailleurs assez absurde, mais bon, néanmoins, en tout cas, qui déposait une parole d'État extrêmement forte contre ces réseaux d'anonymisation et de chiffrement. Et en même temps, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse y pénétrer pour interrompre ces activités criminelles et entraver, arrêter des activités terroristes. Comment est-ce qu'on trouve... On le fait. On arrive à arrêter les trafiquants de drogue. Pensez que le Darknet est quelque chose qui est totalement verrouillé, qu'il est impossible d'y pénétrer et que les services de sécurité n'ont aucun moyen d'agir. C'est une erreur. Les services de sécurité, d'ailleurs, publicisent relativement fréquemment leur réussite. Il faut bien comprendre, le lien entre Darknet et terroriste est un vrai, et terrorisme est un vrai problème. C'est-à-dire que les autorités cherche à délivrer un message politique. Tout ça, c'est à cause du grand méchant Darknet. Tout simplement parce que c'est une image simple, c'est une image qui parle aux gens. Je rappelle que, à ma connaissance, le seul pays au monde où il n'y a pas de Darknet, où le Darknet ne fonctionne pas, c'est la Corée du Nord. Donc je veux bien qu'on nous interdise, qu'on ferme le Darknet. Mais techniquement, c'est totalement impossible, sauf à fermer l'Internet dans son ensemble. À l'été 2015, il y a eu une vive polémique sur la question de la cryptographie, avec effectivement notamment le procureur François Molins qui avait co-signé une tribune avec son homologue américain et son homologue britannique pour dire le développement d'outils de cryptographie, notamment sur les smartphones, est un vrai problème. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu une réponse, une longue tribune publiée par le New York Times et signée notamment par un ancien directeur de la NSA qui disait « on a eu ce même débat dans les années 90 ». C'est-à-dire que du côté des autorités, on disait non, il ne faut pas libéraliser la cryptographie. Il faut garder quand même, parce qu'à l'époque, l'export de cryptographie était interdit aux États-Unis. Et les autorités disent, mais si on libéralise ça, on va dans le mur, tout va devenir sombre, on n'aura plus accès à rien, etc. Et cette tribune disait, c'est arrivé parce que, en l'occurrence, le secteur de la banque et du commerce avait besoin de pouvoir chiffrer les échanges pour protéger les transactions. Puis le PGP de Zimmerman en 91 aussi, voilà. Et le Pretty Good Protection. Et de fait, ça ne nous a pas empêché de travailler. On s'est adapté, on a trouvé d'autres moyens. Et il disait, on est exactement dans ce débat-là. Donc la question, c'est où on met le curseur. Il n'est pas question de dire, il faut que la police et la justice n'aient aucun moyen. Il s'agit de dire, on a besoin de préserver la vie privée. Et d'ailleurs, sur ces questions de cryptographie, il y a toujours une différence entre ce que disent les ministères de l'Intérieur, qui sont plutôt contre, et ce que disent les ministères de la Défense, qui défendent la cryptographie bec et ongle, en disant, pour nous, c'est une question de sécurité nationale, parce qu'il faut aussi qu'on puisse défendre nos infrastructures, nos données et nos communications. Mais Jean-Philippe... Et les ministères de l'économie également, parce qu'il est important que les entreprises, n'oublions pas que les systèmes de surveillance sont très largement diffusés et sont notamment orientés vers l'espionnage économique. Donc c'est important que les entreprises puissent se protéger. Les crypto-voies qu'évoque Amaël Guiton ont connu plusieurs étapes. Il y a eu les années 80, il y a eu les années 90, notamment il est arrivé un moment où on s'est rendu compte qu'économiquement il n'était pas possible de fonctionner sans cryptographie. C'est pour ça que la cryptographie a pu se diffuser. Mais quand vous dites, Jean-Philippe Reynard, tout à l'heure que les liens entre terrorisme et Darknet sont problématiques, vous dites que ces liens sont problématiques, mais vous n'en dites pas plus, vous n'apportez pas de solution. Est-ce qu'il y a une façon de les rendre moins problématiques, de trouver des solutions pour pouvoir traquer, en tout cas, les terroristes sur ces réseaux-là qui se servent de ces données de chiffrement et d'anonymisation? Deux choses. Quand je dis qu'ils sont problématiques, j'évoque l'instrumentalisation par les politiques de cet outil. C'est-à-dire que les politiques, en toute connaissance de cause, désinforment les populations en expliquant que tout ça est la faute du grand méchant Darknet parce que c'est un message qui est extrêmement parlant pour les populations. Voilà ce que j'entends. Ensuite, évidemment, il est nécessaire que les services de sécurité puissent faire leur travail. Les darknets actuellement sont basés pour l'essentiel sur une technique qui a été développée au début des années 80 par David Chaum qu'on appelle des mixnets. Mmh. David Chaum est en train de travailler sur un nouvel outil qu'il appelle CMX, Private Equity. Cet outil permettrait, à partir de ce qu'on appelle des systèmes de clés partagées, donc à partir du moment où il y aurait consensus entre un certain nombre d'administrateurs répartis tout autour de la planète, donc ayant des intérêts très divers, de déchiffrer les données. Donc il est en train d'essayer de nous proposer un outil qui permettrait, s'il y a vraiment une action très généralement condamnable, de lever l'anonymat. Voilà où va le darknet moderne. On essaye de trouver un équilibre entre la préservation de la vie privée de vous et moi, qui n'avons rien à nous reprocher, mais qui ne souhaitons pas être surveillés ni espionnés, et la nécessaire préservation de la sécurité publique. Pour conclure l'un et l'autre, dans les quelques minutes qui nous restent, et on va reparler de cryptographie avec notre doctorant aujourd'hui, Rémi Guéraud, qu'on va retrouver dans quelques instants, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment malgré tout que quand on se bat, quand on défend bec et ongle cette conception-là du réseau, qui est très proche de la conception initiale d'Internet, et qu'on voit aujourd'hui où en sont arrivés les réseaux sociaux et où ce que les réseaux sociaux ont réussi à faire de nous en tant qu'individus, c'est-à-dire à nous faire divulguer de façon consentie toutes nos informations de façon gratuite, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une défaite en race campagne? Mais non, parce qu'on manque trop de recul, je trouve, là-dessus. L'Internet grand public, c'est quoi? C'est la deuxième moitié des années 90. En réalité, ça fait à peine 20 ans. Et les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus jeune que ça. Moi, ce que je constate, je le vois autour de moi, c'est que les usages, y compris ce qu'on laisse sur Facebook, c'est déjà plus la même chose entre les quadragénaires, les trentenaires ou les adolescents qui, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas forcément à tout balancer sur Facebook, mais font attention par exemple à ce à quoi leurs parents vont avoir accès, parce qu'effectivement, la surveillance, dans leur cas, elle vient des parents. Donc, elle est plus directe. Voilà, donc porte à côté. Je pense qu'on s'habitue, on apprend à faire avec. Là, effectivement, il y a des mouvements de balanciers. Les réseaux sociaux ont entraîné le fait qu'on laisse énormément, de manière générale, les grandes plateformes, qu'on laisse énormément de données personnelles en ligne. Il y a des prises de conscience progressives, des conséquences que ça peut avoir. On s'ajuste. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une défaite. C'est un moment. Jean-Philippe Reynard, en oui, quelques mots. Il y a une vraie évolution des pratiques. Et le succès de Snapchat, pour ça, est tout à fait représentatif. Auparavant, on transférait et on partageait ces photos sans vraiment réfléchir aux conséquences. Maintenant, on voit que les gamins font attention à avoir des outils qui détruisent les photos rapidement, etc. Il y a une vraie évolution de la pratique. Je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que progressivement, les gens prennent conscience de la nécessité face à laquelle ils se trouvent de mieux se préserver. Parce que la connaissance qu'ont à la fois les services de renseignement et les services marketing de nos activités et de notre intimité va beaucoup trop loin et choque, oui. Et pour conclure cette émission, comme chaque mercredi, la parole est à l'avenir de la science. Qui sait, peut-être le prochain Albert Einstein ou la prochaine Marie Curie seront passés par ce studio. On sera un peu fiers quand même. Aujourd'hui, en tout cas, c'est Rémi Géraud qui va nous présenter ses travaux de recherche en 4 minutes. Vous êtes en 3e année de doctorat à l'ENS Paris, Rémi. Vous travaillez sur la cryptographie précisément. Bienvenue à la recherche Montre en main. C'est à vous. Bonjour à tous, merci. Alors oui, la cryptographie. La cryptographie dont il a été déjà beaucoup sujet aujourd'hui, et au-delà de la cryptographie, c'est ce dont je vais dire quelques mots aujourd'hui. Alors, la cryptographie, c'est une science mathématique, informatique, et on essaye de prouver, et on arrive à prouver, la sécurité de l'information contre certaines opérations, par exemple la destruction de l'information ou sa révélation à des individus qui ne devraient pas y avoir accès. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, en fait... Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la cryptographie? Pourquoi est-ce que l'information doit être protégée? Parce que l'information, disait Deleuze, c'est le pouvoir. Et pour continuer avec Foucault, là où il y a pouvoir, il y a résistance. La cryptographie, c'est une résistance contre les abus des puissants, ça a été dit, mais aussi des criminels. Parce que même si, quelque part, on ne l'a pas beaucoup évoqué ici, les principaux adversaires à qui on a affaire ne sont pas les gouvernements, ce sont des criminels organisés de plus en plus puissants, même si les gouvernements ne sont pas loin derrière, certains gouvernements ayant récemment fait l'objet de publications qu'ils n'auraient pas voulu voir. Alors pourquoi doit-on protéger l'information? C'est parce que c'est aussi un enjeu économique. Pour que la société bénéficie de la technologie doit être sûre. Si les voitures nous asphyxient, si les vaccins nous empoisonnent, si les avions tombent, on ne les utilise pas. Et donc, on se prive d'avancées importantes, voire vitales. C'est également vrai en informatique, c'est d'autant plus vrai en informatique, car notre monde est déjà essentiellement informatique. Et mon métier là-dedans, c'est de rendre cela possible. Parce que la cryptographie fonctionne, mais trop cher, trop lente, trop encombrante, trop difficile, ça a été évoqué par une personne lors de votre interview. Jean-Philippe Reynard. C'est ça. On fait un choix aujourd'hui qui est d'accepter ce risque, qui est de dire ça ne fait pas partie de ce dont on doit enseigner, dont on doit préparer nos enfants dans les écoles. Donc on accepte un risque, on se limite à la technologie telle qu'elle nous est fournie, mais demain. Et un axe de mon travail, c'est justement de rendre ces protections-là utilisables sur téléphone, n'en déplaise à certains ministres, sur montre, sur pacemaker. Pourquoi ? Parce que demain, avec l'évolution des attaquants et des gouvernements, on ne pourra plus bénéficier de ces technologies si elles ne sont pas suffisamment bien protégées. Donc, ce n'est pas la cryptographie que les criminels attaquent aujourd'hui. Si on peut contourner les systèmes d'anonymisation, ce n'est pas parce que la cryptographie qui est utilisée est trop faible ou que les gouvernements ou les forces de police ou les autres attaquants savent les casser. Il y a 10 ans, les attaquants étaient des amateurs. Il suffisait de mettre un petit peu de cryptographie pour leur faire peur, et c'est pour ça aussi que certains pestaient. Aujourd'hui, ce sont des experts, c'est-à-dire des humains encore. Mais qui parmi vous a déjà joué aux échecs contre un ordinateur et gagné la partie? C'est ça demain. Aujourd'hui, il faut préparer le terrain contre les attaquants de ce calibre. Moi, mais c'était il y a longtemps, c'était vraiment des très très vieilles versions, c'était même pas sur un ordinateur, c'était avec des vraies pièces, fallait appuyer sur les casiers. Disons que ça fait au moins 10 ans. C'était pas en difficulté difficile, hein, c'était en difficulté intermédiaire. Oui, alors à part pour l'exercice, ça fait au moins 10 ans que je crois aucun humain n'a remporté une telle partie. Et des adversaires qui vont trouver systématiquement, méticuleusement, automatiquement des trous dans nos armures, voire, comme on commence à le voir, qui mettent des trous dans l'armure dès l'usine, c'est le genre d'attaquants auquel on a affaire aujourd'hui. Des attaquants qui s'en prennent aux individus, qui s'en prennent à tous les individus. Et comprendre comment ces gens-là fonctionnent et comment est-ce qu'on peut les doubler, c'est l'autre grand axe de mon travail. Eh bien voilà, on avait essayé de vous rassurer sur le dark net. Vous voilà maintenant très inquiet à cause de Rémi Géraud. Merci beaucoup pour votre présentation. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre, Amal Guiton? C'est vrai qu'effectivement, on a beaucoup abordé les questions de données personnelles. Moi, je sais que pour travailler beaucoup sur la cybersécurité, il y a quelque chose qui fait extrêmement peur à l'heure actuelle aux gens qui travaillent dessus et aux gens qui s'occupent de... Enfin, par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence qui supervise la sécurité de l'État et celle des entreprises d'importance critique, je ne sais pas, dans l'industrie, le nucléaire, etc. C'est tout le développement des objets connectés. Parce que ça, il y en a de plus en plus plein. Alors, fort heureusement, là où c'est... Et sans aucune sécurité, c'est-à-dire que c'est développé... Alors, il y a des endroits, mais parce que ça engage la vie des personnes, où on fait quand même attention. C'est l'automobile et c'est les dispositifs médicaux, où quand même on travaille énormément là-dessus. Après, oui, effectivement, tout ce qui est objet du quotidien, en général, c'est pas ou extraordinairement peu sécurisé et ça sert d'ailleurs à faire des attaques informatiques massives et ça effectivement il y a pas mal de gens qui s'arrachent les cheveux là-dessus parce qu'il va falloir faire très vite parce que c'est en train de se développer de manière très rapide. Merci beaucoup Amaël Guiton. Je rappelle votre ouvrage Hackers au cœur de la résistance numérique aux éditions du Diable Beauvert. Merci beaucoup à Jean-Philippe Reynard. Son ouvrage, votre ouvrage à vous Jean-Philippe Reynard, c'est Darknet, mythe et réalité chez Ellipse. Merci aussi à nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Youtou Diego, Hack Lopez à la technique et Manon Dubus au droit d'auteur.